Versailles. Faustine ouvre un œil, puis l'autre, les referme aussitôt. Ce n'est pas cette lumière agressive qu'elle espérait dans l'au-delà. Trop tard, quelqu'un guettait. Une voix sans visage s'exclame. « Bonjour, vous revoilà parmi nous? Il était temps. Vous nous avez fait peur, vous savez. » Faustine sent à regret son rêve s'éloigner. Dommage, elle se baladait sur un yacht, une coupe de champagne à la main. « Si c'est ça le paradis, j'en suis », a-t-elle juste eu le temps de penser avant d'être interrompue. « Bouge !» essaye-t-elle de répondre. Mais sa voix ne suit pas, transformée en coassement inaudible. Tournant la tête, droite, gauche, la jeune femme reconnaît un environnement hospitalier. « Vous voilà toute belle, » reprend la voix. « Vos cheveux sont propres. Reposez-vous. Le docteur passera dans quelques minutes. Je file prévenir votre mari que vous vous êtes réveillé. En voilà un qui sera content. Il est venu tous les jours. » « Mais... » Faustine reste seule sur son lit d'hôpital. Elle se découvre des tuyaux partout, dont un qu'ils ont mal replacé. Ça lui fait un mal de chien au fond de la gorge. Il faut qu'elle s'en débarrasse. Les deux bras contraints, perfusion d'un côté, attache de l'autre, elle est bien embêtée pour tirer sur ce fichu tube. Quoique, en penchant au maximum la tête, elle arrive à le sortir, millimètre après millimètre, se retenant de hurler. La gorge déshydratée, elle a l'impression que son œsophage part en lambeaux. Quelle torture! Enfin, le tuyau ensanglanté gîte à côté du lit. C'est le moment que choisit le médecin-chef pour faire son entrée. « Alors, petite madame, on me dit que vous êtes réveillée ?»« Mais qu'avez-vous fait? Vous avez arraché votre sonde nasale. Il faut la remettre tout de suite. »« Non, coasse Faustine. Trop mal. Rentrez chez moi. »« Mais voyons, soyez raisonnable. Il est beaucoup trop tôt. »« Appelle mon avocat, » éructe Faustine. » Après tout, ce qui vaut pour les médecins américains est certainement valable en France. Ça ne coûte rien d'essayer. « Comment ?» s'étouffe l'éminent professeur. « Apportez-moi un téléphone !» Tiens, on dirait que sa gorge va mieux. Le son est meilleur. « D'accord, d'accord, j'organise votre transfert. Sachez tout de même que vous venez de passer 9 jours dans le coma, que vous avez failli mourir et que vous avez perdu 9 kilos. Un endroit de préférence ? Chevreuse. Très bien. Je vous envoie le psy pour la visite d'usage et je demanderai à votre mari de signer une décharge. Au plaisir, madame. Juste avant de quitter la pièce, par un tour de passe-passe incroyable, le médecin enfile un tuyau propre dans le nez de la patiente. Il l'a fait si vite que Faustine n'a rien senti du tout. Il est parti depuis longtemps qu'elle en est encore comme 2 ronds de flanc. L'entretien avec le psychiatre se passe dans un brouillard diffus. Faustine en retient qu'elle doit se faire soigner sérieusement. Elle approuve. À peine est-il parti que Maxime fait irruption. « Bonjour, mon amour. Comment te sens-tu ? » « Bonjour. Pas trop mal. J'ai demandé mon transfert. » J'ai croisé le toubib, il me l'a transmis. Il était encore rouge de colère. Il a commandé une ambulance, tu partiras vers 4 heures. Ce soir, tu dormiras à Chevreuse. Comment je suis arrivée ici ? Maxime explique longuement les événements de ces 9 derniers jours. Le pauvre a du mal à retenir ses larmes. Ton père m'a passé et endossé savon au téléphone. Il a menacé de me poursuivre pour non-assistance à personne en danger. Mais je t'assure, je te jure, que pendant les 3 jours où tu étais dans le coltard, aucun signe ne montrait ton état réel. Tu as même mangé de la soupe le premier soir et tu m'as embrassé pour me dire au revoir le lendemain matin. J'ai trouvé les boîtes vides trop tard. Je m'en voudrais toute ma vie. Je sais que tu as fait tout ce que tu as pu. Ne t'en fais pas pour papa. Je vais me soigner. Cette fois, j'ai compris. Tu veux bien faire quelque chose pour moi encore ? Tout ce que tu voudras. Il faudrait que tu ailles chercher des chocolats pour ces personnes. qui m'ont si gentiment soignée. D'accord, j'y vais tout de suite. Je te retrouve à Chevreuse. À l'heure dite, Faustine est installée dans l'ambulance. Ils sont bien mignons, ses accompagnants. Elle n'a pas trop de mal à se faire offrir une cigarette, malgré la bonbonne d'oxygène à proximité. Lorsqu'ils s'interrogent sur la route à prendre pour atteindre Chevreuse, elle la leur indique avec aplomb. Grâce à quoi, ils mettront 3 heures au lieu de 40 minutes. Et c'est Maxime qui leur ouvre la porte. Évidemment, à cette heure-là, les cuisines sont fermées. Faustine attendra le lendemain pour se sustenter. Après le petit déjeuner, elle se lève. Elle se retrouve par terre. Elle ne sait plus marcher. Voilà une sensation nouvelle qui lui fait très peur. Elle se souvient d'histoires de suicides qui ont laissé les survivants à moitié cinglés ou paralysés. Ils ont bien regretté de ne pas être morts. Et si ça lui arrivait ? Maxime passe dans l'après-midi et lui explique que c'est normal qu'elle se sente faible, mais elle est encore jeune. D'ici quelques jours, elle aura repris des forces. En attendant qu'elle profite d'être bloquée au lit pour réfléchir à ce qu'elle veut faire du reste de sa vie. Avec l'aide de maman, Maxime a organisé son admission au château de Préville, à Orthez, dans les Pyrénées-Atlantiques. Préville est une clinique spécialisée dans la prise en charge des patients alcoolodépendants. Faustine y passera 1 mois. Ensuite, elle sera toute neuve. Et si c'était vrai? Repartir de zéro? Une nouvelle chance? Cette toute petite fleur d'espoir fait jaillir les larmes de Faustine. Elle se promet de redevenir pour Maxime la gentille petite épouse qu'il mérite. 2 jours plus tard, elle tente à nouveau la position debout. Cette fois, en s'accrochant à tout ce qui dépasse, elle parvient jusqu'à la salle d'eau. Jette un coup d'œil dans le miroir. Quelle horreur ! Ce visage si miesque, couvert de poils ! Catastrophe ! Et dire que la moitié du monde l'a vu ainsi ! Faustine est mortifiée. Elle passe les 3 heures qui suivent à faire les foins avec sa minuscule panse à épiler. Ayant retrouvé visage humain, elle se meut un pas après l'autre jusqu'à la réception de la clinique. Elle a de la chance. Un chauffeur de taxi de Saint-Rémy vient justement de ramener une cliente. Faustine l'alpague, lui confie de l'argent afin qu'il lui rapporte une cartouche de cigarette. Elle ne peut pas exiger ce service de Maxime alors qu'elle vient de lui promettre qu'elle changera du tout au tout. Plus facile à dire qu'à faire, hélas, quand on est fumeur. Pendant sa longue convalescence, Faustine ne boit pas une goutte d'alcool, bien sûr. Mais si elle se remplume, elle ne retrouve pas pour autant sa joie de vivre. Elle a très peur de ce qui l'attend. Pas seulement dans cette clinique de désintoxication, mais ensuite. Va-t-elle tenir le coup ? Et si tout recommençait, y aura-t-il un nouvel échec? Que va-t-elle faire de sa vie? Pendant son séjour à Chevreuse, les rares fois où Maxime passe la voir, il lui assure que tout ira bien. Elle va se refaire une santé et elles reprendront leur vie où ils en étaient quand tout n'était pas encore pourri. Oui, mais après? Travail, retraite, mort, 2-3 voyages en attendant, des vacances avec les musicos et c'est tout? Maxime ne comprend pas, ne réagit pas, ne confirme pas, ne dément pas non plus. C'est peut-être clair pour lui dans sa tête, mais pas forcément pour Faustine. Rien n'est pire que l'incertitude. Elle renoue avec son anxiété pernicieuse. 3 semaines plus tard, la voilà à Orthez, jolie petite ville du sud-ouest située entre Pau et Bayonne. Le responsable de la clinique est venu la chercher à la gare. Il l'amène au château. Un endroit magnifique, entouré d'un grand parc. Faustine, une fois enregistrée, est dirigée vers l'annexe. Première déception, elle aurait préféré être une hôte de marque du château. Manifestement, très peu de chambres y sont attribuées aux pensionnaires. La plupart sont affectées aux ateliers et aux groupes de parole, le reste au personnel soignant. Aujourd'hui, la nouvelle patiente s'installe au premier étage de l'annexe. La porte ne ferme pas à clé. La chambrette se compose d'un lit, une commode, une armoire, un lavabo et un miroir. Simple et propre. Le lit est fait, mais ce sera à elle d'entretenir son domaine désormais. Au rez-de-chaussée, dans la pièce commune, une 20aine de patients s'occupent. puzzle, tricot, bavardage, télévision, le choix ne manque pas. L'endroit ressemble plus à une colonie de vacances qu'à une clinique. Dans les jours qui suivent, Faustine rencontre les docteurs Bénichou et Lérèse. Elle reçoit une première lettre de Maxime, qui a invité sa mère à Saint-Rémy pour s'occuper de lui. Angèle doit être ravie de l'avoir tout à elle, pense Faustine. Malgré tout, il se plaint des 8 mois de quasi-veuvage qu'il subit depuis que Faustine va si mal. Il rêve tout haut à la vie qu'ils pourront reprendre dès son retour. Il a quantité de projets, mais ne dit pas lesquels. Il viendra la voir à la fin du mois, c'est promis. Faustine traduit qu'il n'est pas pressé. Elle répond succinctement, puis court à son atelier d'écriture. Un truc tout nouveau pour elle, ça. On leur a donné un sujet qu'il a fallu développer. Elle s'est piquée au jeu, a pondu un texte, fort apprécié, ma foi. Effet facile, semble-t-il, à voir le niveau des autres dont l'écriture n'est pas la spécialité. Elle a tout de même pu constater, au plaisir ressenti, à quel point elle est dans son élément une plume à la main. Lors de ce cours, Faustine fait la connaissance de Maya. Les deux pensionnaires se trouvent des points communs et s'entendent rapidement comme larrons en foire. Ensemble, elles participent aux séances des alcooliques anonymes qui ont lieu en ville. Là, 2 soirs par semaine, un vieux beau déblatère pendant 1 heure sur son triste passé. Faustine et Maya se moquent gentiment de son « Le soir, j'étais un lion, et le matin, une merde !» qu'elle retrouve à l'identique lors de chaque séance. Ceux du château ne sont pas nombreux à participer aux séances citadines. Les autres résidents sont souvent plus abîmés que Faustine. On ne leur fait pas encore confiance. Pourtant, il paraît que certains ont rechuté intramuros. Preuve, s'il en est, que c'est possible. Le reste du temps, Faustine s'ennuie. Les groupes de partage sont rares quand ils ne sont pas carrément annulés. Avec Maya, elles font de la provoque à l'annexe pour rire un peu, mais ce n'est pas du goût des toubibs qui finissent par les mettre aux arrêts dans leur chambre. Pour qui se prennent-ils ceux-là, Maugré et Maya, qui pensent que son médecin la harcèle parce qu'il a une idée dans la culotte? Faustine se demande si elle aussi va devenir une cible. La nuit, elle réfléchit. Maxime saura-t-il répondre à ses attentes?